That's the sound of the police. On a entendu un grand boom. Enfin, tout a pété. La police, c'est de la merde. L'armée, c'est de la merde. La justice, messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion, c'est de la merde. La patrie, c'est de la merde. Le capital, c'est de la merde. Et à moi, toujours de la merde. Et tiens. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, c'est le retour du magazine Libertaire sur JetFM. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre 2020. Bienvenue à tout le monde. Alors pour ceux qui nous découvrent, en fait, qui découvrent l'émission, ici on cause d'actualité des luttes de la France et du monde qui pue et on essaie de donner la parole à ceux et à celles qu'on n'entend pas ou peu dans d'autres médias. On est là tous les mercredis de 12h05 à 13h30 en direct sur JetFM 91.2 à Nantes et autour de Nantes. Et sur jetfm.fr. Vous pouvez nous contacter si vous voulez participer à l'émission ou bien alors nous donner des informations. Vous pouvez nous contacter en direct dans les studios au 02 28 25 23 88 et à maglib@riseup.net. Et vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur maglib.noblogs.org. Alors maglib, c'est M-A-G-L-I-B. noblogs.org. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la ZAD du Carnet. Nous allons lire un communiqué du DAL sur l'attaque d'un squat arrosé et nous terminerons par les annonces. Mais tout de suite, on va écouter une chronique qui s'intitule « Outrage, rébellion et violence. Quand les flics portent plainte ». Ouais, salut à toutes et tous. Aujourd'hui, chers auditeurices, je vais vous parler du meilleur moyen d'approfondir ses fins de mois quand on est flic, c'est-à-dire le dépôt de plainte pour outrage, rébellion ou violence sur dépositaire de l'autorité publique. Alors, on va commencer par le plus facile, l'outrage. C'est le plus facile parce que la définition de l'outrage est suffisamment large pour que les procureurs valident des poursuites et que les personnes accusées se retrouvent donc devant les tribunaux. Et c'est facile aussi parce que, comme pour les accusations de rébellion ou de violence sur agent, la personne qui se dit victime est aussi celle qui constate l'infraction. Et la suite de la procédure, elle va se passer entre collègues dans le commissariat de celui qui se prétend victime. La plainte du flic qui se dit victime, un ou deux témoignages de ses collègues et hop, l'affaire est bouclée. En 2019, il y a eu 28 558 outrages. Les syndicats de flics parlent de délits en constante augmentation, alors que si on y regarde de plus près, on voit plutôt une certaine stabilité. En gros, dans les 20 dernières années, les chiffres, ils oscillent entre 25 000 et 31 000 accusations d'outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, d'une part, ça montre une évolution du nombre d'outrages pas très importante, puisqu'il n'y a que 4 000 accusations d'outrage en plus. Et d'autre part, si on met ce chiffre en corrélation avec le nombre d'habitants et d'habitantes de ce pays, ça fait finalement et étonnamment pas tant d'outrages que ça. Ce qui n'a cessé d'augmenter, par contre, ce sont les peines encourues pour ce délit. Au départ, c'était une simple contravention, une amende, quoi, et c'est devenu, au fil des mouvements revendicatifs de flics, un délit qui est aujourd'hui passible d'un an de prison. La dernière évolution, par exemple, elle date de 2017, après le mouvement de flics d'octobre 2016. L'utilisation de l'outrage par les flics est souvent pointée du doigt, et pas uniquement par des anarchistes ou par des personnes et collectifs qui militent contre les violences policières ou encore pour l'abolition de la police. Cette utilisation, elle est questionnée par des sociologues, des chercheurs et chercheuses, des journalistes, des avocats, avocates et même par des magistrats et magistrates. On peut même dire que c'est de notoriété publique, les flics abusent des flingues pour les flics abusent des plaintes pour outrage. En 2013, c'est l'inspection générale de l'administration qui pointait des pratiques abusives en la matière. Dans son rapport, l'IGA mentionne qu'en 2012, la protection fonctionnelle à laquelle les flics peuvent prétendre et qui couvre les frais d'avocat a coûté plus de 13 millions d'euros. Toujours dans ce rapport, on apprend qu'en 2012, un flic a déposé 28 demandes de protection fonctionnelle pour outrage. L'IGA annonce des dommages et intérêts allant de 3 à 700 euros. Du coup, ce flic, il a réussi à percevoir entre 8 400 euros et 19 600 euros rien qu'en une année. Évidemment, c'est pas le seul flic qui a recours régulièrement à ces pratiques, c'est juste lui qui a obtenu le record du nombre de plaintes en 2012. Selon l'IGA, ils sont 6 flics à avoir déposé 15 dossiers chacun dans cette année, 31 qu'ont déposé entre 10 et 14 dossiers et 109 flics qu'ont déposé entre 5 et 9 dossiers. Sachant que ces chiffres ils viennent du fonds d'aide aux victimes, auxquels les flics ne font pas forcément appel, et ils montrent qu'un tout petit bout en fait... Il montre qu'un tout petit bout de ce que même les médias les plus mainstream appellent le business de l'outrage. Et d'ailleurs, en parlant de business, l'IGA relevait aussi la complicité de certains cabinets d'avocats. À Paris, ce sont 5 cabinets d'avocats qui se font chaque mois 40 000 euros grâce à la protection fonctionnelle. Et chaque grande ville a au moins un cabinet spécialisé dans la défense des keufs. L'IGA, elle préconisait en 2013 plus de surveillance des flics par leur hiérarchie, des sanctions disciplinaires pour les flics qui abusent des procédures, la suppression de la protection fonctionnelle pour les délits où il n'y a pas eu de violence physique sur les flics. Ces recommandations, elles sont passées directement à la poubelle, puisqu'au lieu de ça, les flics ont obtenu le doublement des peines pour outrage, la possibilité d'anonymat dans les procédures et, il y a peu de temps, la mise en place d'un dispositif appelé policier victime qui facilite le dépôt de plainte pour les outrages, rébellions, violences et menaces sur les keufs. Alors j'ai beaucoup parlé de l'aspect financier pour le moment et j'ai surtout parlé de l'outrage. Mais l'outrage, c'est pas le seul délit qui est concerné et qui permet aux flics et aux avocats qui les défendent de se faire de l'argent de poche facilement. D'ailleurs, l'outrage, c'est le plus facile, mais en fait, c'est pas le plus rentable. Parmi les délits dont la police l'use pour arrondir ses fins de mois, il y a aussi la rébellion. Et c'est un délit, la rébellion, qui a ce truc de particulier qu'il n'a d'existence que parce qu'il y a une première interaction avec la police. Je m'explique. La rébellion, c'est le fait de résister avec violence à son interpellation. Ce délit, il ne peut pas exister en fait si dans un premier temps, les flics n'ont pas essayé de nous arrêter. Et ça, ça permet aux flics de créer facilement et artificiellement du délit dont les policiers vont ensuite se dire victimes, se porter partie civile et encore une fois empocher des dommages et intérêts. Un des trucs qui facilite la pratique de la plainte pour rébellion, qui est en fait souvent une plainte pour outrage et rébellion, c'est que les procureurs et les juges, ils s'en foutent de savoir ce qui s'est passé avant ton interpellation et pourquoi on t'a interpellé. Peut-être que si la justice, elle s'y intéressait un peu plus, elle se rendrait compte que bon nombre de ces poursuites pour rébellion se fondent à la base sur des arrestations qui n'ont aucune base légale. Quand un keuf, il porte plainte pour violence cette fois, il peut espérer des dommages et intérêts plus importants, qu'il ait été blessé ou non. Là aussi, les flics et leurs syndicats, ils se plaignent d'une augmentation du nombre de violences Mais quand on va au tribunal, on voit surtout des flics partie civile dans des affaires de violence où ils n'ont reçu aucun coup ni aucun projectile. Je suis pas en train de dire que les flics blessés, ça existe pas, hein, juste que les chiffres qui sont donnés par leur syndicat et relayés par les ministres de l'Intérieur sont bien loin de correspondre à la réalité. France Info l'a par exemple pointé l'année dernière, quand sont sortis les chiffres de 2018 et que les syndicats comme Alliance et les partis politiques comme les Républicains ou le Rassemblement National ont crié à l'augmentation des violences contre les flics et bien sûr à la haine anti-flic. Là aussi, en regardant les chiffres de plus près, on se rend compte que plus de la moitié des blessures avaient eu lieu en service, certes, mais pas en intervention. De fait, la majorité des blessures signalées par les flics à leur ministère sont en fait des accidents et n'ont pas eu lieu en cours de mission. Je disais donc que quand on va au tribunal, on voit des flics partie civile dans des affaires de violence alors qu'ils n'ont pas été blessés. Ils demandent alors des dommages et intérêts pour le préjudice moral en invoquant par exemple l'émoi provoqué chez eux par une canette qui s'est brisée à 5 mètres du cordon dans lequel ils étaient. Là aussi, les procédures, elles contiennent souvent très peu de preuves matérielles. La plainte du policier qui se dit victime, des témoignages de collègues, un PV qui décrit vite fait la situation et hop, le procureur valide les poursuites. Devant le tribunal, c'est alors parole contre parole. Et aux yeux des juges, la parole d'un flic vaut bien plus que la parole des accusés. Ces procès, ils posent souvent plein de questions du point de vue de l'application du droit. Il y a souvent des erreurs dans les procédures. Les témoignages des flics qui sont pris pour argent comptant, les mensonges même les plus gros, passent sans que les juges ne s'en offusquent. Rien d'étonnant là-dedans, mais c'est ça aussi l'impunité policière. Et ça sert d'ailleurs, en partie à renforcer cette impunité. Ces poursuites. En tout cas, les condamnations qui leur font suite, elles ont cet effet. Notamment parce que les délits commis sur des keufs ou sur des dépositaires de l'autorité publique, ils sont plus sévèrement punis par la loi que ceux qui sont commis sur des gens ordinaires comme nous, quoi. Du coup, ça fait une dissymétrie qui est à l'avantage des keufs et dont ils n'hésitent absolument pas à se servir. C'est une façon qu'ils ont d'imposer leur autorité. Et Maurice Rachfus le disait mieux que moi, « Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émeute. » Cette dissymétrie et cette impunité, elles se jouent sur les délits dont les flics se prétendent victimes, mais aussi et surtout dans les violences qu'ils et elles commettent. Parce que s'il n'est pas rare de voir défiler dans les tribunaux des gens accusés d'outrage, de rébellion ou de violence sur les flics, les poursuites contre les keufs, elles restent très rares et quand elles ont lieu, elles n'aboutissent pas ou très peu à des condamnations. Les plaintes pour outrage, rébellion ou violence sur flics, elles servent à arrondir les fins de mois, donc. Elles participent à instituer l'impunité policière et elles servent aussi régulièrement à anticiper les éventuelles poursuites lorsque les flics commettent eux-mêmes des violences. Alors là, j'entends déjà certaines personnes derrière leur poste de radio dire « Ah non, mais c'est abusé de dire ça, c'est des accusations sans fondement, c'est juste de la haine anti-flic. » Et du coup, plutôt que de le dire moi-même, je vais vous lire un extrait du rapport d'Amnesty International en 2009 qui s'appelait « France, des policiers hors la loi, au-dessus de la loi ». Pardon. Et le chapitre qui s'appelle « Les représailles contre les plaignants ». Ces dernières années, Amnesty International a reçu un nombre important et croissant de plaintes de particuliers affirmant avoir été victimes de représailles sous la forme d'arrestations, de mises en détention ou d'inculpations injustifiées pour outrage et rébellion. Ces mesures de rétorsion surviennent généralement lorsque les victimes de violences commises par des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi portent plainte contre ces agents pour mauvais traitements ou quand des passants tentent d'intervenir par des paroles ou des actes contre des mauvais traitements infligés sous leurs yeux à un tiers par des agents de la force publique. Ce dernier cas est fréquent lors des opérations d'éloignement de migrants en situation irrégulière ou de personnes qui ont vu leur demande d'asile rejetée. Amnesty International s'inquiète que ces accusations semblent souvent utilisées comme tactique pour déconsidérer les plaintes pour mauvais traitement déposées par des particuliers contre des agents de la force publique. Les délégués d'Amnesty International ont eu confirmation de cette tendance auprès de la Commission nationale de déontologie et de la sécurité, auprès de représentants de l'Inspection générale de la police nationale et de l'Inspection générale des services et d'autres organisations non gouvernementales. Sachant, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Commission nationale de déontologie et de la sécurité, l'IGPN et l'IGS, ce sont des services de l'État. Et du coup, là, c'est bien des services de l'État qui confirment la tendance qu'ont les flics à porter plainte contre des personnes qui soit ont reçu des mauvais traitements, soit sont témoins de mauvais traitements. Le rapport de 2005 de l'IGPN relève la tendance de certains agents de la force publique à recourir, parfois de manière trop systématique, aux procédures d'outrage et rébellion. Dans ces affaires, Amnesty International a constaté une nouvelle fois que les autorités judiciaires prenaient souvent leurs décisions sur la seule base des déclarations des responsables de l'application des lois, sans chercher d'autres éléments de preuve. Dans son rapport, Amnesty International, il raconte aussi ce qui est arrivé à Lamba Soukana, un soir à Villepinte. Et là, je vais résumer le passage, mais je vous encourage à aller lire en entier dans le rapport. Donc, ce soir-là, vers minuit, Lamba, il rentre chez lui et il remarque des policiers en tenue anti-émeute devant l'immeuble d'en face. Et ce groupe de flics en tenue anti-émeute, il est en train de charger un groupe de jeunes. Lamba, il va rentrer dans son hall et là, il y a deux groupes de flics qui vont lui tomber dessus. Il est plaqué au mur, il est frappé. Un voisin intervient pour expliquer aux flics que Lamba a une maladie grave et qu'il faut faire attention. Les flics envoient chier le voisin et frappent à nouveau Lamba avant de le laisser blessé à terre. Lamba et ses proches, ils vont aller immédiatement porter plainte à la gendarmerie et sur le chemin, ils vont recroiser les flics qui l'ont frappé. Lamba, il demande à ce moment-là une explication et il va finir en garde à vue, accusé d'avoir tenté de frapper un flic, d'avoir commis un outrage et d'avoir encouragé les jeunes à attaquer la police. Dans cette histoire, comme dans tant d'autres, on peut noter le caractère raciste des poursuites. Ça a été démontré à maintes reprises par un certain nombre de chercheurs, parmi lesquels Fabien Jobard ou Didier Fassin et bien d'autres. Et c'est aussi régulièrement dénoncé par les personnes racisées, et notamment les jeunes qui subissent des contrôles à répétition, du harcèlement policier et ce genre de poursuites. Et si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, il suffit d'aller passer quelques journées dans les salles d'audience des tribunaux judiciaires. Ce sera aussi l'occasion, si ce n'est pas déjà le cas, pour vous de découvrir le caractère arbitraire, classiste et raciste de la justice. Des corps perdus se baladent dans des photocopies de rue, pendant que des mokomokai discutent dans des châteaux perdus. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. Alors maintenant, nous allons parler du Carnet. Donc le Carnet, c'est du côté de Frossay, en rive sud de l'estuaire. Nous allons entendre un son qui nous vient de Radio Parleur. Et c'est un son qui parle de personnes qui s'installent contre un projet. Donc c'est un projet du Grand Port. Notamment le collectif Stop Carnet qui dit stoppons le carnage au Carnet. Il faut stopper le projet industriel sur les sites du Carnet, donc à Frossay, parce que dès la fin 2020, il est prévu la destruction et l'artificialisation de 110 hectares de zones naturelles qui abritent 116 espèces protégées, dont plusieurs sont menacées de disparition, et la destruction de 51 hectares de zones humides. Alors, dès la fin août, le 29 et 30 août, il y a eu des manifestations et des rencontres sur le site du Carnet. Il y a eu un appel à soutien, donc, contre ce qui risque de se produire sur ce site-là, au Carnet. Donc, l'estuaire de la Loire est menacé par un nouveau carnage. Comme je l'ai dit, donc c'est un projet du grand port maritime Nantes-Saint-Nazaire qui veut implanter une zone industrielle donc sur ce site naturel. Donc la confluence des luttes de l'Ouest et le collectif Stop Carnet ont besoin de soutien pour lutter contre ce projet destructeur. Il est rappelé que le Carnet, c'est 395 hectares de zones naturelles en bord de Loire. C'est aussi 63% de zones humides précieuses qui participent à la fertilisation des sols, qui atténuent les crues et protègent les littoraux. Et le Carnet abrite pas moins de 116 espèces protégées, comme je l'ai déjà énoncé dans l'introduction. Le Carnet, c'est aussi l'un des derniers corridors migratoires sur l'estuaire de la Loire, protégé des nuisances de l'activité humaine et industrielle. Et c'est une lutte aussi populaire, historique, contre un projet de centrale nucléaire qui a été le projet abandonné en 1997. C'est l'une des plus grandes victoires écologiques de ces 30 dernières années. Donc ce projet industriel au Carnet est emblématique de tout ce qu'on ne veut plus pour notre avenir. Donc, par rapport d'ailleurs la bétonisation des 110 hectares de zones naturelles et sauvages pour y aménager ce qui est qualifié comme un parc éco-technologique. Je ne vous définirai pas ce terme parce que je ne sais pas trop ce qui sous-entend. Et les travaux de destruction des zones humides sont attendus donc cet automne, voilà, pour permettre le remblaiement du site l'an prochain. Donc, on va écouter le son. Les personnes comptent sur le soutien et la présence des gens qui sont contre ce projet et qui veulent se mobiliser. Et ils disent « Nous sommes la Loire qui se défend ». Vous pouvez avoir des informations sur https://stopcarnet.fr et il y a une adresse contact aussi qui est stopcarnet@redzien.fr. On vous laisse écouter le son. Marre des beaux parleurs ? Écoutez Radio Parleur et faites un don défiscalisé à 66%. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Révoltez d'aujourd'hui, faites bien attention. Pour un simple gilet, on vous fout en prison. À mon enterrement, 300 zadis qui dansent et 300 gilets jaunes nous porteront en transe. Et dans le cortège de tête, on criera très fort. Si elle n'était pas morte, elle lutterait encore. Cela fait maintenant 2 semaines que l'île du Carnet en Loire-Atlantique est devenue un lieu de résistance. Le site est désormais une ZAD, une zone à défendre. Des militants écologistes se sont installés pour lutter contre l'extension du port de Saint-Nazaire. Ce projet industriel prévoit notamment d'aménager une base logistique sur le site naturel et d'y installer des entreprises éco-technologiques. Les travaux de bétonnage auraient dû commencer le 31 août, mais la mobilisation des militants a permis de les retarder. Un bulldozer a cependant réussi à entrer sur les lieux et a commencé à raser une partie de la faune au grand mécontentement du collectif Stop Carnet. Bonjour, je suis Gabriela, je fais partie du collectif Stop Carnet que nous avons mis en place avec Johan de Terre Commune fin 2019 quand on a vu ce qui allait se passer, les aberrations qui allaient se passer ici. ici devant vous, vous avez 395 hectares. C'est donc le Carnet qui a été le haut symbole d'une lutte il y a 40 ans contre l'installation d'une centrale nucléaire, qui a été gagnée haut la main. Et donc, des années après, le Grand Port a eu l'idée aberrante d'impacter ce Carnet. Donc ils vont en fait impacter exactement 110 hectares sur les 395 hectares. Le souci, c'est que dans ces 110 hectares, il y a 51 hectares de zones humides. Et nous, ici, nous sommes menacés de submersion. Et les zones humides sont absolument indispensables pour faire une zone tampon. D'ailleurs, le ministère de l'écologie, il y a 15 jours, a dit sur son site que les marais et les zones humides étaient indispensables à la biodiversité. Ici, il y a 116 espèces protégées qui sont menacées. C'est l'un des derniers couloirs migratoires d'Europe. Des oiseaux viennent s'y reposer avant de reprendre leur chemin. Et la Loire, naturellement, va être durement touchée, puisque pour faire ce projet, déjà d'aménagement, parce qu'avant de le vendre aux industriels, il faut quand même réaménager le site, puisque la nature a repris ses droits depuis 40 ans. Donc, le réaménagement va déjà coûter 85 millions d'euros. Et au passage, ça va donc toucher durement la faune en particulier. Alors, les zadistes ont investi les lieux. Ils ont dressé des barricades faites de palettes, de meubles, de branches pour empêcher les travaux de commencer. On peut y lire des slogans tels que « Grand Port, dégage », « Tu fais partie de la nature, en la détruisant, tu te détruis » ou encore « C'est l'heure d'agir ». Une fois passées les barricades, une véritable vie en communauté s'organise. Sur la droite, le coin cuisine avec le ravitaillement. En face, un atelier réparation de vélos. Un peu plus loin, la villa des Copaines, un espace repos réservé aux femmes. Et en continuant à marcher, on tombe sur des toilettes sèches, des tentes, puis on arrive enfin à l'île du Carnet. Moi aussi, je suis Parka, pour les intimes. Et je suis ici depuis le début, depuis le premier lundi, le 1er septembre, où on a installé les premières barricades pour bloquer les travaux. Et des premiers endroits ici qui étaient vraiment de la barricade et du blocage, on va dire un peu à l'arrache, on est passé quand même à quelque chose de plus structuré, parce qu'il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui ont aussi des expériences, qui ont aussi des savoir-faire. Tout ça se partage, tout le monde participe, et puis en fonction du moment, du passage, avec des palettes, on va monter quelques murs, puis un toit. Quelquefois, on a des bâches. Quelquefois, on a récupéré des tôles. Et puis, tout ça se construit au fur et à mesure, donc d'heure en heure. Forcément, il y a 400 hectares, donc ça fait quand même un très grand site. Il y a beaucoup d'endroits, et quelquefois, on est absent quelques heures ou une journée pour faire diverses missions, et on revient, il y a plein de choses qui ont poussé. Donc, l'intérêt des vélos vient à ce moment-là bien dépanner pour transporter le ravitaillement, faire la liaison et aussi le matériel. Donc disons que c'est la partie un petit peu plus Robinson Crusoe ou la partie un petit peu plus sauvage, camping. Mais ça se construit bien aussi là-bas et on prépare aussi les intempéries parce que pour l'instant, effectivement, on est plutôt tranquille au niveau météo. Mais voilà, ça va jouer à ce moment-là aussi. On sait que ça va être un enjeu en plus de l'adversité diverse et notamment de la gendarmerie. Pour le moment, Didier Martin, le préfet de la région fraîchement nommé, a assuré vouloir poser ses valises avant de s'exprimer sur le sujet. Mais cela n'empêche pas les zadistes de craindre l'expulsion et d'être très prudents en assurant un anonymat le plus total. Salut, moi c'est Chouchen et je suis arrivé sur la zone lundi, au début de l'occupation. Tous les soirs, effectivement, j'ai peur que les flics arrivent le lendemain matin entre 4h et 6h. Je passe la journée comme si ça n'allait pas avoir lieu, j'aide à construire quand même les barricades, etc. Mais ouais, c'est pas la boule au ventre, mais voilà, quand je vais me coucher, je suis déjà habillé ou qu'au réveil il faut sortir parce que j'entends une grenade ou un truc comme ça, ou qu'il y a des copains qui me réveillent en trombe. C'est un peu éreintant. Enfin, je commence à avoir un vrai attachement émotionnel au Carnet, quoi. À force de se balader dans les autres chemins et de découvrir un peu, d'essayer de trouver des endroits sympas, on se dit, ah bah tiens, là j'aimerais bien rester longtemps. Avant, hier, je suis arrivé dans un champ, il y avait quelqu'un qui faisait de la méditation et tout, avec un soleil qui se couchait sur une grosse prairie verte pleine de chlorophylle, c'était super beau. Enfin, moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Et des fois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me balader dans un endroit comme ça et de commencer à pleurer parce que je me dis, putain, en fait, il y a des gens qui veulent détruire ça pour faire un peu de la merde, quoi. Même quand je suis hors ZAD, c'est un truc qui me fait toujours un peu vibrer. Enfin, c'est con, mais genre, par exemple, quand je suis en plein dans une grosse métropole ou quoi, et que je vois un arbre, je suis vachement content. Juste parce qu'il y a du vert et que ça me rappelle les moments qu'il peut y avoir sur zone ou juste les balades tout seul, pieds nus, là, comme ça, c'est cool. Puis il y a beaucoup de gens sur les ZAD, enfin j'ai l'impression, enfin tous les ZADistes que je connais en tout cas, enfin la plupart, qui en fait qui apportent beaucoup plus d'attention à leur corps, mais pas dans le sens du visuel. C'est parce que par exemple en ville, enfin c'est l'impression que j'ai, il y a beaucoup de miroirs partout, t'as ton reflet, t'es tout le temps ramené à ce que tu représentes pour l'autre, d'un point de vue du spectacle un peu de toi-même, quoi. Et là, les gens se concentrent peut-être plus sur ce qu'ils ressentent sur leur corps plutôt que sur l'image de leur corps. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Quand je suis sur les barricades, que je balance. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ouais, c'est bien, c'est pas mal ça. Salut! Alors, moi, je suis une zadiste du carnet. Je suis une humaine qui vagabonde entre la civilisation et la vie sauvage. C'est très spontané. Je pense que c'est un mot qui colle très très bien à l'ambiance ici, la spontanéité. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. J'essaye de participer à plein de chantiers, je papillonne un peu entre plein de trucs. Je suis là aussi pour rencontrer tous les gens qui sont ici et du coup, c'est trop un plaisir quoi, de pouvoir faire un petit chantier avec quelqu'un là, ensuite aller préparer la bouffe-co avec d'autres gens plus loin, ensuite aller débattre avec des gens de manière complètement improbable entre deux chemins. Hier j'ai épluché des poires pour faire de la compote, en même temps je chantais des chansons et on débattait sur est-ce que le bonheur est le but de la vie. Enfin c'était un peu ça en gros, c'était plus complexe que ça, mais ça tournait autour du bonheur et du sens de l'existence et tout. Et je trouve que c'est ce qui fait la richesse des lieux comme ça, c'est que c'est rempli de personnes qui vont et viennent dans le lieu et qui ont eu des vécus, des valeurs, des émotions, des personnalités archi variées et qui se retrouvent là. Et ouais, ça fait un cocktail d'énergie hyper pétillant et hyper nourrissant, tu vois. Enfin, relationnellement, je me sens vraiment nourrie, quoi, dans ces endroits-là. Et même si c'est épuisant et que franchement, je cache pas que ma forme physique n'est pas à son top là depuis une semaine et demie, en témoigne ma voix. Tout le monde participe, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de moi j'ai cuisiné et pas toi donc je suis plus légitime à manger que toi. Enfin ça non quoi. Après c'est ça, faut faire gaffe à ce que ce soit pas toujours les mêmes qui se tapent la charge mentale de telle tâche. Mais ça après globalement on réussit bien à le dire, à faire tourner. Mais en fait, c'est comme partout, tu vois. Que ce soit à la ZAD ou que ce soit, ouais, comme je disais tout à l'heure, dans une famille, c'est pareil. Genre, c'est souvent ta maman qui fait tout, mais c'est pas normal. Et ça devrait être à tout le monde de tourner quand tu utilises des trucs, bah après tu les laves, quoi. C'est normal. Tu laisses pas tout dégueulasse. Si jamais à un moment tu débordes et qu'il y en a partout, bah tu te déterres et tu ranges. Enfin, je sais pas, c'est du bon sens, c'est de l'autogestion, c'est. On sait qu'à un moment il va bien falloir bouffer, donc on sait que là, ah bah il n'y a pas beaucoup de stock, bon bah va falloir trouver des gens déter pour faire une récup ou pour cuisiner un truc ou. Voilà. Et en fait ça se fait assez naturellement parce qu'il y a pas mal de gens ici qui sont habitués à l'autogestion. Forcément, il faut remettre ça en question tout le temps et. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis. Et il faut toujours se redire, est-ce que là, la manière dont on fonctionne, par exemple, bah, je prends l'exemple de la bouffe, mais on peut rester là-dessus. Genre, est-ce que la manière dont on fonctionne pour la bouffe, elle marche bien et on peut continuer sur cette lancée? Ou est-ce qu'il y a des trucs à revoir? Si oui, lesquels? Est-ce qu'on en parle en groupe? Est-ce qu'on prend l'initiative spontanément? Enfin, tout est toujours questionnable et du coup, c'est chouette. On est plus libre, quoi. Quand je suis sur les barricades, que je balance des grenades, je vois la vie en ZAD. Je suis partie au comico, les yeux pleins de lacrymo, j'aimerais vivre autre chose. J'ai appelé mon avocat, mais il était pas là, franchement j'ai eu ma dose. Heureusement j'ai évité la zonzon, je suis trop déter, je repars en occupation. Et avec tous mes cupons, je balance des munitions sur le keuf qui se barre. Allez! Pour Johan, maraîcher en Loire-Atlantique, cette ZAD n'est pas la suite de Notre-Dame-des-Landes. L'objectif est avant tout de préserver la nature. Moi c'est Johan, paysan bio dans le Pays de Ré, donc là où il y a le projet du Carnet. Il faut savoir que les occupations, les blocages, les sabotages, etc. Avant la zone de Notre-Dame-des-Landes, il y en avait déjà. Par exemple, contre le projet central nucléaire du Carnet, il faut quand même savoir qu'il y a eu des vols de dossiers secrets d'EDF et l'État, il y a eu du sabotage, il y a eu des occupations du site du Carnet. Enfin voilà, je veux dire, ça n'a pas commencé à la date de Notre-Dame-des-Landes en fait, ces résistances. Voilà. Donc déjà, c'est pas forcément une suite. En plus... voilà, c'est une lutte différente, c'est dans le sens où là on parle d'un autre projet d'aménagement, de d'autres problématiques, même si c'est des problématiques qui sont liées quand même. Et puis le but, c'est pas forcément après derrière de. Enfin, après, ça dépendra de ce qui passera sur la ZAD, hein. Nous on va pas contrôler ce truc-là. Mais c'est pas forcément le but après derrière d'en faire une zone agricole, habitée, avec des projets, etc. Parce que là on est sur une île qui est déjà naturelle, où il y a énormément d'espèces protégées. De zones naturelles, de zones humides. Le but, c'est surtout en fait de justement, peut-être en fait plutôt notre mot d'ordre, c'est plutôt pour un carnet libre et sauvage, et puis en général pour un estuaire libre et sauvage. Quoi. On a besoin de zones naturelles, on a besoin de sauvages dans les territoires. En France, on est en retard par rapport à d'autres pays européens sur ça. On a une vision de la nature en France qui est juste hallucinante, une vision paysagère, anthropocentrée, où il faut absolument intervenir, il faut gérer. Et voilà, moi je me bats plutôt pour justement qu'on ait des espaces un peu comme ça en fait. Voilà, qu'on ait des espaces justement où la nature elle est en libre évolution. Donc voilà, et puis c'est beau, c'est merveilleux, on a besoin de sauvages, on a besoin de zones. Où on contrôle pas les choses, où on gère pas. On a besoin de s'émerveiller, de voir l'évolution, voilà, de manière naturelle. Quoi. Je pense qu'on manque de ça aujourd'hui. Quoi. En tout cas, on va tout faire pour que la lutte a gagné et que le Carnet soit libéré de tout projet d'industrialisation. Et je pense qu'on est bien parti pour ça. Quoi. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui se crée de fort et de beau là ici. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Et je suis heureux de voir ça. Quoi. Les membres du collectif Stop Carnet et les zadistes sont plutôt confiants et pensent que les travaux vont finir par être annulés. En attendant, ils continuent la lutte. Ils ont même installé une zone d'accueil à l'entrée de la ZAD pour sensibiliser riverains, cyclistes et promeneurs. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Dream a couple hundred million workers, it's all that they see. Our hands in the tools, money writing the rules. From the sweatshop prisons to the cops in the schools. Got the middle class living like it's gonna last. Working longer, harder hours for less and less cash. Got the media spins, Republicrat twins. Got the war profiteer for great executive grins. Got the heroin running through the veins of the poor. Got the ghettos locked down, paying blood for the war. Got the cities decay, the dealers to pay. And the death squads working for the CIA. You got a million new jobs, 30,000 new jails. Outsourcing the unions, profit tipping the scales. Got a brainwashed youth, a trumped up truth. Got snipers armed with rifles on the factory roof. You got a 30-minute speech full of oohs and ahs. Got the cops armed tough, out there breaking the laws. Got the front row seat to your own defeat. You got the tear gas canisters filling the street. You got the laws all written for the rich and the white. Trick the rest of them fools into the army to fight. In a dead-end game, each war the same. You got a land and a people and a market to claim. Got a woman beaten down everywhere that you look. In the schools, in the jails, in the courts, in the books. Got the TV set, sexism's outlet. Not a culture full of men talk to fall for that shit. Yeah, and I do too. I'm not blaming you, but I'm trying to unlearn what they said was true. Yeah, and I need help, I'm not afraid to say it. It's a subliminal tool, sometimes it's hard to see it. Got your own room, you got the pen. pen and the paper and the drive to consume. Got the suit pressed in, got the myth that you'll win, and the raise to replace true ambition. You're gonna move up the ladder at the company speed. Gotta learn to dance quick to the company's greed. Gotta justify every step that you can with your eyes closed tight and your head in the sand. You gotta fight the desire to fight the police. You gotta fight your heart and your every belief. You gotta trust the leader, whatever he says. With the flag held high, yeah, you're already dead. You already gave up if you took their advice, if you played their game. You paid their price and you're gone, gone, gone. Yeah, there's no coming back till you realize your potential. Raise your fist in the air. See, if we look to each other and ourselves and ignore the phony remedies they stock on the shelves, we can undermine the greed on which the system depends and hope to build a new world based on lovers and friends. We gotta build from the bottom what we want at the top. We gotta work together if we want this to stop. From the thick grassroots to the top of the tree, I aim for peace and justice and anarchy. I want peace and justice and anarchy. I want peace and justice and anarchy. I want peace and justice and anarchy. Vous êtes toujours dans le magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et jetfm.fr sur Internet. Je vais vous lire un communiqué, un appel à soutien qui vient du DAL. Donc le DAL, c'est un collectif qui lutte pour le droit au logement. C'est Droit au logement 44. Et cet appel à soutien, il fait état de violations de domicile, vandalisme et menaces contre une famille qui habite un squat à Rezé. On va pas s'emmerder avec le droit, même pas avec la loi et l'ordre, envoyant les gros bras pour expulser ces gêneurs. C'est apparemment ce que se disent certains propriétaires, constructeurs, promoteurs, comme celui de ces bâtiments qu'est Léon Séché à Rezé, abandonné depuis des années. Un gros constructeur du coin, de lofts de standing et de maisons prétentieuses, compte apparemment tout raser pour faire un programme immobilier de luxe. Seulement R et sa fille, 7 ans, vivent là depuis le début de l'année. Ne parvenant pas à trouver un vrai logement, surtout en attente d'un HLM ou autre, il a trouvé la partie habitable de ce lieu ouverte, l'a rénovée, sécurisée et s'est mis à l'abri, sollicitant à plusieurs reprises le propriétaire qui n'a jamais voulu s'engager à rien. Mais ce week-end, en rentrant de course après avoir reçu un SMS d'un entre guillemets artisan inconnu, il trouve les lieux dévastés, toutes vitres brisées, lavabos et chauffe-eau défoncés, etc., etc., avec des débris partout, jusque dans les fringues de sa fille. Et lundi matin, toujours au culot, le type revient, cette fois en le menaçant ouvertement de lui défoncer sa gueule, entre guillemets. Violation de domicile, vandalisme, menace, R avait suivi toute la procédure légale correspondante en se déclarant occupant légitime de l'endroit. Et il était arrangeant jusque-là. Il pensait essayer de se débrouiller rapidement pour arranger tout le monde sans faire de vagues. On fait donc appel à soutien pour veiller aux côtés de cette famille le temps que sa plainte soit prise en charge par les autorités. Et un appel à ne pas la laisser seule face aux violences inhumaines et au business du bâtiment. Car un toit, c'est un droit, droit au logement. Et du coup, c'est un appel à soutien. Et du coup, ce squat, il se situe quai Léon Séché à Rezé. Nous, on trouvait ça important de relayer en fait cet appel à un soutien dans le sens où il y a des propriétaires, notamment des promoteurs, qui ont ces pratiques-là en fait d'aller menacer physiquement les personnes ou d'aller fracasser ce qu'il y a chez les personnes. Et c'est important que ces pratiques-là, elles passent pas sous silence en fait, que ça se sache que ça se passe. Et c'est important aussi qu'il y ait de la solidarité, autour des personnes qui vivent ça. On repasse un petit morceau de musique et après on passera aux annonces. Celle-là, c'est pour Nicky et Tonnerre et tous ceux qui s'y reconnaîtront. RATUR, Amatomic Prod. Amatomic Science Production. Juste une sale histoire de pognon et de shit. J'attends pas que cette bande de guignols m'explique. Rien dans cette mascarade qui m'excite. Voir mon pote partir pour 6 piches. Il a fauté certes, mais que fait le spi à part aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. Aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa reine. aiguiser sa peine, attiser sa haine, éloigner sa rêve. Vous avez des peines. Vous y avez des peines. Se tient à carreau. On finit par accepter les conditions. Finir par accepter sa condition, c'est mort. On fera sédition face à leur ordre. La haine a ses raisons. Au-delà des murs, elle résonne. Au fond de nous, elle réside. Vie brisée, enfance cachée, vie exacerbée. Abandon, abonnement à la crasse. Et tu oses dire que c'est pas de chance. Moi, je prends le problème à sa source. Éradique les soupçons. Ensemble, on pense nos blessures. Sauf que jamais ça ne s'arrête lorsque l'on s'apprête à sortir la tête de l'eau. Vos mains nous y replongent. J'imagine bien vos cœurs, vos visages viennent perturber vos songes. Parce que nous, jamais on ne s'arrête. On tend vers la sagesse, mais le pardon ne sera pas attribué à tous. Pas de place pour la paresse. On charbonne pour une vie plus douce. La patience d'attendre la fin d'une peine, d'élever son môme seul. Survivre au coup de son homme, dans la bouche à coup de revanche. Nos luttes ne resteront pas vaines, atteintes des sommets. Nos liens nous empêcheront de tomber. Et vous n'y pourrez rien. Vous pouvez enfermer des corps. Vous n'y pourrez rien. Stigmatiser nos proches. Vous n'y pourrez rien. Vider nos poches. Vous n'y pourrez rien. Mon amour est aussi dur que la roche. Et vous n'y pourrez rien. Vous y avez des pleins monstres. Derrière vos murs. À ce qu'il devienne un monstre. C'est pour sa femme qu'il se tient à carreau. Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM. C'est maintenant l'heure des annonces. Alors, nous avons une première annonce qui se passera donc samedi 19 septembre. À partir de 13h, il y aura une journée de soutien aux détenus du mouvement social au Chili. Ça se passera à la Commune. C'est un lieu qui est situé au 53 rue de la Commune à Rezé. C'est l'arrêt de tram 8 mai sur la ligne 3. Ou la ligne 2 Pont-Rousseau, ou l'arrêt du bus C4 Félix Tableau. Donc ça débutera à 13h avec un atelier en mixité choisie pour répéter la danse Un Violador en tu Camino en version française, donc c'est un violeur sur ton chemin. À partir de 14h, il y aura une discussion sur le féminisme chilien aujourd'hui. À 15h30, une discussion sur le mouvement social depuis octobre, ses caractéristiques, ses développements, le rôle des féministes, des Mapuches, des étudiants, avec une projection d'une chronique en fait, qui s'intitule « Chronique de l'estalido social » et qui dure 25 minutes. Et puis plus tard, dans l'après-midi, à 17h15, une discussion à propos des Mapuches avec une projection d'un documentaire qui s'intitule « Les enfants pleurent ». Un petit documentaire qui dure 38 minutes et tout ça avec l'intervention de personnes qui chiliennes et qui peuvent parler de ce qui se passe au Chili depuis, c'était le 18 octobre, il me semble, l'an dernier. Donc, dans la soirée, il y a des concerts à 20h pétantes avec une entrée prix libre. Et tout ça aussi avec la journée, la soirée à 19h, une cantine végétalienne à prix libre et un stand avec des empanadas. Donc les concerts, il y aura L'Amoué Duo, c'est un duo mutante de chansons chiliennes françaises qui mélange les genres et brouille les pistes. Donc voilà, il y aura Vertèbre qui est plus électro-coldware, Jaune d'Arc qui est, alors je vous le dis, comme c'est défini dans mon papier, c'est crise, saturation, sueur, hypnose. Si ça vous dit, venez. et plus des invités. Alors, pourquoi cette journée ? Parce que depuis la mi-octobre, en fait, le mouvement social chilien affronte les politiques ultralibérales les plus agressives et une répression féroce, avec un état d'urgence militaire, des tirs à balles réelles et des arrestations massives. Le Chili est encore héritier de la dictature de Pinochet et de ses alliés, les Chicago Boys, qui transformèrent le pays en un grand laboratoire de politique économique ultralibérale, théorisé en bonne partie par Milton Friedman. Aujourd'hui, la jeunesse étudiante, les féministes, les Mapuches, tout le monde se mobilise contre le pouvoir, notamment contre le président Sébastien Pinera. Contre les détentions illégales, les violences et les morts dues à des militaires et des policiers, contre les abus sexuels. Cette journée de solidarité entend venir financièrement en aide à un collectif de Santiago qui soutient les détenus et leurs familles. Donc si vous êtes intéressé, donc ça se passe samedi, si vous voulez avoir des informations, comment se passe le mouvement social au Chili, quelle est la motivation de tous ces gens qui se battent et qui, voilà, comment le mouvement perdure aussi depuis le 18 octobre de l'an dernier. Ou alors si vous pouvez parler du Chili ou donner des informations, voilà, vous pouvez venir à Rosé, donc à la commune, samedi 19 septembre à partir de 13h. L'annonce suivante, ça se passe à Angers, à la Grande Ourse. La Grande Ourse, c'est un squat à Angers et c'est un besoin de coup de main parce que la Grande Ourse fait peau neuve. Donc je vais vous lire l'annonce. C'est la rentrée, le nouveau cartable, les camarades de classe, tout ça, pour nous rien ne change. Les gens à la rue dorment dehors, les institutions s'en foutent, Béchu est encore maire et les fachos fascisent. Mais pour marquer la rentrée, et parce qu'il y en a bien besoin, on organise un gros chantier collectif ouvert à toutes et tous. Il y a pas mal de choses au programme, certaines encore à décider, mais surtout plein d'énergie et de bonne volonté. Beaucoup sont passés en demandant comment ils et elles pouvaient aider, et c'est bien le moment. Dès jeudi 17, pré-réunion de chantier à 17h30, donc jeudi 17 septembre, demain. L'heure et la date, elles restent à confirmer, mais faut pas hésiter à venir participer. Munissez-vous de votre motivation, de vos talents d'aménageur et d'aménageuse d'intérieur et venez construire avec nous un petit morceau de liberté pour le chantier en tant que tel. Si certains et certaines ont des outils, ils seront les bienvenus. Et donc la réunion de presse chantier, c'est demain jeudi à 17h30. Le chantier en lui-même, ça commence lundi 21 septembre à 14h et donc c'est à la Grande Ourse à Angers. L'annonce suivante, ça se passe à Clisson cette fois-ci, à la librairie Les Villes Invisibles. C'est mercredi 23 septembre à 19h. C'est une discussion entre Paul Rocher, auteur du livre « Gazé, mutilé, soumettre » et Antonin Bernardos, co-auteur du livre « Police ». Les deux livres qui sont sortis aux éditions de La Fabrique et qui parlent de maintien de l'ordre. Le livre de Paul Rocher montre que le recours massif aux armes non létales est la marque d'un étatisme autoritaire de plus en plus intolérant à toute contestation dans une période de recul social majeur. Conçues comme des armes défensives, elles forment dans la pratique l'artillerie de l'offensive néolibérale en cours, rappelant à quiconque entreprend d'y résister la nécessité de l'autodéfense populaire. Dans le livre collectif Police, on trouvera des constats, des propos théoriques et des histoires vécues. L'ensemble est inquiétant, mais cette inquiétude active est salutaire face à une institution de plus en plus militaire et violente, car on pense qu'elle a toujours existé et qu'elle existera toujours, mais non. La police telle que nous la connaissons est récente et les événements actuels mettent mondialement son existence même en question. Donc c'est entrée libre, cette soirée discussion donc autour de ces deux bouquins. C'est mercredi 23 septembre à 19h à la librairie Les Villes Invisibles, 1 rue Basse des Halles à Clisson. Alors nous avons une annonce aussi pour dans une semaine longue. Pour le jeudi 24 septembre. C'est un appel à soutien du collectif Justice et Vérité pour Babacar. On a déjà parlé plusieurs fois de Babacar ici, donc c'est cette personne qui a été tuée par la BAC il y a 5 ans maintenant, c'était en 2015, début décembre. Et ça fait plusieurs années que sa sœur Awa donc, réclame une reconstitution avec l'ensemble des protagonistes donc, qui étaient présents cette nuit-là, quand Babacar a été tué. Et donc cette reconstitution va enfin être organisée. Les agents vont confronter leur version des faits à la réalité des lieux et rappeler que les agents de police en fait, ont tiré donc 5 balles sur Babacar au lieu de lui venir en aide parce qu'il était en détresse, il faisait une crise d'angoisse. Donc, il y a un appel à toutes les personnes à renouveler leur soutien précieux et encourageant à ce combat pour la vérité et la justice à se rendre présente. Soyons nombreux à soutenir Awa, donc la sœur de Babacar, lors de la reconstitution. Donc, jeudi 24 septembre prochain, à 9h, rue Guy Ropartz, donc à Rennes. Et vous pouvez, je pense, trouver des informations sur... il me semble qu'il y a un Facebook, pour ceux qui ont Facebook. Hein, voilà. Sinon, il doit y avoir des informations justement sur, sur Babacar, peut-être sur d'autres sites. Si vous cherchez Justice et Vérité pour Babacar, vous allez trouver des informations et tous les rendez-vous de soutien donc au collectif. La prochaine annonce... Alors, c'est un appel. Donc, initialement, c'était le lundi 12 octobre à 9h. Donc, un appel disant liberté totale pour Vincenzo. Or, il se peut que la date change. Il est même très probable, en fait, que la date soit avancée et que ce soit plutôt... Donc, je crois que c'est un vendredi, le 2. C'est le 2 octobre, avec un horaire à confirmer. Donc, liberté totale pour Vincenzo. Donc, Vincenzo sera rejugé par la cour d'appel d'Angers. Donc, sûrement le 2 octobre. Alors, pour rappeler, on avait reçu des membres du comité de soutien dans cette émission l'année dernière. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'émission sur en podcast sur notre blog, maglib.noblogs.org. Pour rappel, Vincenzo, il a participé en 2001 au contre-sommet du G8 à Gênes, exprimant comme ses milliers de camarades sa conviction qu'un autre monde est possible. En 2012, la justice italienne le condamne à 12 ans et 6 mois de prison en application d'une loi promulguée en 1926 sous le régime fasciste de Mussolini qui permet d'accuser quelqu'un de pillage et dévastation pour sa simple présence à une manifestation. En 2016, elle émet à l'encontre, donc la justice italienne émet à l'encontre de Vincenzo deux mandats d'arrêt européens. L'accumulation de ces deux mandats d'arrêt ayant pour objectif d'alourdir le dossier et de motiver l'arrestation. Rappelons qu'à Gênes, en 2001, la répression a été préméditée et organisée militairement. La police opéra des arrestations en masse, commis des actes de torture, des centaines de blessés et un mort, donc Carlo Giuliani. Pour ces violences dénoncées par Amnesty International, l'Italie fut condamnée deux fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Les manifestants connus comme les 10 de Gênes furent condamnés à de lourdes peines de prison, un total de 100 ans à eux tous, et Vincenzo en faisait partie. Quant aux policiers responsables de ces exactions, ils furent tous amnistiés. L'an dernier, donc le 8 août 2019, Vincenzo est arrêté, en vertu donc de ses deux mandats d'arrêt, aux abords du village de Rochefort-en-Terre, où il vit depuis 8 ans, et il est immédiatement incarcéré à la prison de Rennes. Le 15 novembre 2019, la cour d'appel de Rennes libère Vincenzo au motif de l'irrégularité de la procédure d'exécution des mandats d'arrêt européens. La cour déclare sans objet le mandat d'arrêt européen de Milan. La peine, parce que la peine, on l'avait dit, la peine qui correspondait donc à ce mandat d'arrêt a déjà été faite, elle a déjà été exécutée en fait en Italie. Mais passe sous silence la machination que constitue son émission et la déloyauté de la justice italienne vis-à-vis de la France. En fait, le mandat d'arrêt européen concernant Gênes est invalidé pour vice de procédure. Le 18 novembre, donc trois jours après donc, la libération de Vincenzo, le ministère public se pourvoit en cassation. Et donc la cour de cassation casse le jugement de Rennes et déplace l'affaire à Angers. En attendant donc cette ultime audience, Vincenzo vit et travaille à Rochefort-en-Terre. Il reste partout en Europe, donc sous la menace de ses deux mandats d'arrêt, parce que, comme on l'a dit, c'était les mandats ont été invalidés en France, mais il reste valide dans tout le reste de l'Europe. Dès son arrestation, l'injustice flagrante que subit Vincenzo a provoqué une vive réaction dans son village et au-delà. De nombreux comités de soutien se sont créés. Donc d'abord à Rochefort-en-Terre, puis à Paris, Nantes, Rennes, Marseille, etc., etc. Et en Italie aussi. Plus récemment, un très actif comité s'est mis en place à Angers dans la perspective du prochain jugement. Et nous refusons que la vie de Vincenzo soit le jouet d'une transaction entre l'Italie et la France et que son procès donne prétexte à des messages répressifs et sécuritaires. Pourquoi est-ce que nous nous sommes mobilisés ? Parce que Vincenzo écope de 13 ans de prison pour sa simple participation au contre-sommet de Gênes en 2001. Et alors qu'il n'a commis aucune violence envers des personnes, il a juste eu le tort d'être là, au mauvais endroit, au mauvais moment. 13 ans, c'est une peine inique, scandaleusement disproportionnée, issue d'une loi de l'ère fasciste qui permet de condamner la simple présence à une manifestation comme s'il s'agissait d'un crime. Et 20 ans, donc, après le G8 de Gênes, les manifestations contre le G8 de Gênes, la justice italienne le poursuit toujours. Voilà, dans un contexte où les lois liberticides gagnent du terrain partout en Europe, tout manifestant, tout militant et chacun d'entre nous peut s'imaginer être à la place de Vincenzo. Donc, vous pouvez avoir des informations. Il y a un site qui a été mis en place là, justement depuis l'an dernier, qui est comité-du-6-soutien-vincenzo.org. Et juste pour information, je pense qu'on va recevoir d'ici les semaines, on n'a pas encore une date précise, dans les semaines qui viennent, des membres du comité de soutien à Vincenzo en direct à cette antenne. On vous passera le message peut-être sur notre blog ou voilà. Mais ce qui ne vous empêche pas d'écouter tous les mercredis à midi 5 le magazine Libertaire. Donc on en a fini avec les annonces. Enfin, et du coup, on va passer un petit morceau de musique. Ouais, un petit caset. Et puis on revient tout de suite après pour vous dire au revoir. Je marche sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche. Je rêve de revanche en semaine et le dimanche, je traîne en zone franche, où l'indigène flanche, où le système se penche sur les peaux blanches. Lèche les plus riches, prêche les bacchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent. Ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides, le décor du nord et puis des caïdes, sans remords aucun et que la fièvre. De leur guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risque et l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide. J'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand ils projettent de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart et la cause qu'ils plaident, quand ils nous briment, nous rejettent et puis nous dépossèdent. Et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède. J'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni aumône, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure. Insultes, lutte, chute, échec et injures. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil, et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard, un boulot à saisir, et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors, moi je sors, et m'emmerde à mort, je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords, et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent. Avant les renforts, la casse et le Delbor, ma race et mon folklore, la crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère? Faire du son, du sport. La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. Même que la rancœur, le hardcore et le rap dur me tape sur les murs, m'en tape du futur. Joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte, et il en résulte mes raisons de prendre le colt. au vu de ce que je récolte. La crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute. Une sale vie d'adulte que seul le sang exalte et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte. Et ça suinte, la crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente, et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque, quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans l'étui. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Kazé, en falch, 2005. Donc on est toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur JetFM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.fr. Nous arrivons à la fin de cette émission. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine à 12h05 sur JetFM en direct. Et juste avant de finir, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de vous dire un truc. Et comme il n'est pas 13h30, on a le temps. Tout à l'heure, on a parlé de proprios, de promoteurs là, qui viennent exercer des violences sur des personnes qui squattent pour espérer récupérer leurs biens. Il y a en ce moment des députés qui sont en train d'essayer de faire passer un amendement sur la loi de simplification administrative. Enfin bref, il y a une loi autour de la simplification administrative qui est en train d'être discutée là à l'Assemblée. Et du coup, des députés essayent, ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de faire passer un amendement qui permettrait au préfet de procéder à l'expulsion, de demander en fait l'expulsion en 48 heures, enfin qui permettrait en fait au propriétaire de directement saisir le préfet pour que le préfet, dans les 48 heures, fasse expulser des personnes qui squattent des logements vides. Du coup, voilà, donc c'est un truc à essayer de suivre de près. Pour voir s'ils arrivent ou pas à faire passer cet amendement. C'est pas gagné qu'ils arrivent à le faire passer, hein. Ça fait plusieurs fois qu'ils essayent. Ça passe pas forcément, mais là, ils servent d'un fait divers pour essayer ça. Donc voilà, c'était le dernier truc que je voulais dire avant qu'on rende l'antenne. Donc on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.